L'âge de raison n'est pas atteint. Mon cerveau, oui, si je m'en sers. Que nenni, c'est vrai, souvent j'oublie. Je m'emballe trop dans la mille sept banco. Dans ce monde, je suis un fucking héros. Parade sur l'autoroute comme au Trocadéro. Je suis dans ma phase de love intense et je ne peux qu'adhérer. Je sais que des ennuis m'attendent au tournant. Je m'en balance, je leur dis wow wow. Mon power est immense. Je suis chaud, j'ai descendu un max de taurine. Crise d'insuline au prochain péage. Je vais soulever la barrière de ces péons comme John Cena. Parler en espagnol au Poulaga. Je travaille mon style, j'ai trop d'avance sur mon temps. Je suis falbala chez les Gaulois. Ils jurent tous avec le paysage. Très peu de gens ont vu mon vrai visage. Mentalement, je suis resté en bas âge. Parade sur l'autoroute comme au Trocadéro. Je suis dans ma phase de love intense et je ne peux qu'adhérer. Yes sir. Je sais que des ennuis m'attendent au tournant. Je m'en balance, je leur dis wow wow. Mon power est immense. Parade sur l'autoroute comme au Trocadéro. Je suis dans ma phase de love intense et je ne peux qu'adhérer. Attends au tournant, je m'en balance. Je leur dis wow wow. Mon power est immense. Yeah. Est-ce que ça en vaut la peine? Ce n'est pas qu'une question de money. Tu vas débarquer comme un boss, repartir sans cérémonie. La vie c'est plus violent que ce que tu crois. Ce game est affreux. Sur le tableau de bord.